Chapitre 4. Initiation. À leur première sortie dans la forêt, ils retrouvèrent les émotions des premiers temps de leurs amours. La réalisation de ses désirs, le voyage, l'imprévu d'une vie nouvelle, l'idée préconçue, la volonté bien arrêtée d'avance de trouver tout charmant, avaient transformé Marguerite. Sa tristesse s'était changée en une verve fiévreuse, son apathie en une activité dévorante. Elle avait pour Maurice des mots pleins de tendresse, elle l'aimait pour son sacrifice, et elle l'en eût remercié si montrer trop de joie ou de reconnaissance n'eût point été avouer les ennuis de Montmorency et insulter plus cruellement que jamais les plaisirs qu'on y avait trouvés. Pour échapper aux rencontres importunes, ils avaient cherché un de ces jolis villages isolés sur la lisière de la forêt et qui, par des coteaux couverts de cerisiers, descendent jusqu'aux prairies que bordent et avivent la Seine et le Loing. C'était Brévannes qu'ils avaient choisi. C'était de là qu'ils partaient chaque matin pour leurs courses dans la forêt. Marguerite dirigeait elle-même les promenades, et comme avec sa gaieté était revenue sa force et son intrépidité d'autrefois, elle choisissait les plus longues. Toujours avide d'émotions nouvelles, elle les cherchait à n'importe quel prix, et bien souvent elle était servie à souhait. Car malgré ses nouvelles plantations alignées à la charrue, malgré ses sentiers battus et encombrés de poteaux indicateurs, malgré l'absence de précipices, de montagnes, de torrents, de sites imposants ou sauvages, cette vieille forêt a des beautés encore originales pour satisfaire l'imagination la plus difficile. Son étendue, ses solitudes, ses entassements de grès noirâtre, ses collines dénudées, l'étouffante chaleur de ses vallons de sable blanc, ces masses de rochers éboulés où croissent à grand-peine quelques genêts ou quelques bouleaux, les points de vue qui du sommet de ces hauteurs se déroulent en s'étageant, dans certaines parties, les bois ombreux et frais, dans d'autres, les landes arides, le calme et la majesté des futaies, le silence et la tristesse des gorges, le soleil du matin sur les bruyères fumantes, le vent dans les vastes plaines de sapins, tout cela forme un ensemble attrayant et divers, qui, dans son heurtement, vous donne et vous laisse une impression de grandeur et de poésie. C'était cette poésie qui transportait Marguerite et la rendait rayonnante. Heureux de la voir heureuse, Maurice oubliait ses inquiétudes. Il se rassurait lorsqu'après une longue marche, elle venait se reposer près de lui et que, loin de se plaindre de la fatigue et de la chaleur, elle n'avait que de douces et joyeuses paroles. Il ne croyait plus qu'au bonheur, lorsque le soir, après leur dîner, plein de jeux, de cris et de rires, elle s'appuyait sur son bras et voulait encore, à la douce clarté du jour finissant, se perdre dans les chemins creux, ou bien, frileuse, blottie contre lui, regarder du haut des collines le brouillard s'élever sur la rivière et noyer dans ses brumes les prairies, les saules et les clochers de la plaine. Les anciens temps n'étaient plus. Loin d'eux les tristesses, loin d'eux les contraintes, plus de malaise comme autrefois, mais toute journée uniformément remplie et uniformément radieuse. Il s'était donc trompé à Montmorency. C'était une fatigue momentanée qui avait changé Marguerite. Les marques qu'il avait cru surprendre de son indifférence, ses paroles, ses railleries auxquelles il avait attaché une importance décisive, l'avaient donc égaré. Ce bouquet même, qui lui avait si bien déchiré le cœur, ne parlait plus contre elle avec la même force. Pour quelques nuages noirs qui avaient menacé, le ciel n'en serait à l'avenir ni moins pur ni moins chaud. Ainsi, il raisonnait. Mais il ne s'était pas trompé autrefois. Il se trompait maintenant. Et si les signes d'ennui chez Marguerite avaient causé sa première erreur, les signes de sa gaieté aujourd'hui en causaient une nouvelle. Ce qu'elle aimait, c'était les joies toutes poétiques de la solitude et de la liberté. C'était de courir dans les fougères, de sauter de rocher en rocher, de dormir dans quelques crevasses pleines de mousse, ou sous l'ombrage des vieux hêtres qui ont vu les galanteries du roi Henri. Ce qu'elle voulait, c'était les gorges désolées de Franchard, avec leurs éboulements de grès qui se lèvent, s'abaissent, se roulent comme des bacs solides. C'était les bouleaux du mont Chauvet, les grands arbres de la Tillet, les chênes de la Maroufée. C'était les genêts couleur d'or se détachant sur la sombre verdure des sapins et des genévriers. C'était, le matin, le chant des oiseaux au premier rayon du soleil levant, et le cri des écureuils qui s'élancent de branche en branche, sans oser descendre dans la rosée. C'était, le soir, après une journée brûlante, quand tout fait silence, quand il n'y a pas un souffle dans l'air, pas un bruissement de feuilles, pas un murmure vivant, d'entendre au loin les cerfs bramer, et par les collines que la lune éclaire, de voir les biches descendre rapidement, s'arrêter inquiètes, écouter quelques instants, puis bondir vers la voix qui les appelle. Ce qu'elle aimait, c'était l'églogue, la pastorale, l'idylle, la poésie. Ce n'était plus l'amour. À Montmorency, elle s'était enivrée des jouissances du cœur. Maintenant, elle s'enivre des jouissances des yeux et de l'imagination. D'amante, elle est devenue artiste, et Maurice est resté toujours amant. Elle s'enthousiasmait pour ces riens, qui sont tout dans l'amour, pour un mot, un geste, un regard, un silence. Et elle ne s'enthousiasme plus que pour un aspect joyeux ou mélancolique, pour un paysage, un arbre, un oiseau. Et comme à toute admiration, comme à tout plaisir de la pensée, il faut un confident, c'est avec bonheur qu'elle traduit ses impressions à Maurice, toujours prêt et toujours attentif. Les rôles sont changés. Autrefois c'était lui qui parlait, maintenant il écoute. Cependant, telle est la puissance du plaisir, et quelle que soit sa source, telle est son heureuse influence que Maurice put se tromper assez longtemps. Mais bientôt, et insensiblement, il lui fallut une fois encore reconnaître la vérité, car bientôt, Marguerite, ayant tout vu, tout épuisé, fut lasse d'une contrée qui ne lui offrait plus rien de provoquant, et comme ses excitations avaient été purement extérieures, dès qu'elle ne trouva plus d'aliment pour ses insatiables exigences, elle retomba dans ses dégoûts et son apathie d'autrefois. Tout autre à sa place eut perdu courage et désespéré de l'amour ou de cette femme. Il voulut lutter encore. Cette fois, il croyait la bien connaître. Les tristes expériences de Montmorency lui avaient révélé une nature dévorante, inconstante, avide d'émotions fortes et de sensations excessives, qui toujours voulait jouir et ne se reposait jamais, car pour elle le repos était l'ennui. Il se voyait en présence d'un gouffre, et pour n'y être pas précipité, pour résister au courant qui l'entraînait en le submergeant, il comprenait qu'il lui fallait donner sans cesse une nouvelle pâture à l'âme de Marguerite. Il fallait échauffer son cœur, distraire son esprit, lasser son corps. Après l'avoir enlevé de hauteur en montant toujours, il devait l'enlever encore plus loin. Condamné à une perpétuelle ascension, il n'y avait pas pour lui de sommet. Le jour où il voudrait non pas redescendre, mais s'arrêter, il serait perdu. Plus loin, encore plus loin, toujours plus loin. Cette tâche, que l'ingénieuse symbolique des anciens a personnifiée dans Sisyphe, était pour lui plus difficile et plus laborieuse encore que pour le damné de la fable, car à celui-ci, un effort énergique et toujours le même suffisait, tandis que, pour soutenir Marguerite, il fallait joindre à une prodigieuse volonté de résistance une fertilité d'invention plus prodigieuse encore, et par malheur, c'était précisément cette fertilité qui lui manquait dans cette décisive occasion. Son esprit s'était fatigué aux dernières luttes qu'il avait dû entreprendre. Déjà, il l'avait tout épuisé. Et quand, pauvre de son propre fond, il avait voulu recourir aux livres qui sont les grands excitateurs de l'amour, comme le personnage de Shakespeare, Marguerite avait répondu « Des mots, des mots, des mots !» Il ne lui restait qu'un refuge, refuge certain, parce qu'il est changeant, appelé à son aide une nature plus séductrice et plus grandiose, la forêt noire, les Alpes, l'Italie. Mais, avant d'en venir là, il rencontrait des difficultés que les circonstances rendaient insurmontables. Depuis qu'il aimait Marguerite, il était tombé dans une détresse d'argent qui, s'augmentant chaque jour, en était arrivé à ce qu'il faut bien nommer par son nom laid et vrai, la misère. Il devait à tous ses amis et à ceux qu'il avait bien voulu pour débiteurs, à celui-ci 500 francs, à un autre 5 francs. Le séjour à Montmorency l'avait forcé de vendre ou d'engager ce qui, pour le fripier, le bouquiniste ou le monde de piété, avait la moindre valeur. Pour venir à Fontainebleau, il était retourné chez ceux de ses amis les moins exploités et accueilli par l'un, repoussé par l'autre, il avait ramassé pièce par pièce une somme à peu près suffisante. Mais aujourd'hui, de cette somme, il restait peu de choses, et toutes les portes lui étaient fermées, même celle de Martel, qui pour lui s'était mise à sec. Il n'y avait plus rien à vendre. Trouver 100 francs était une de ces impossibilités devant lesquelles il faut s'arrêter vaincu, et cependant, devant lui, se dressait l'Italie avec le repos, la joie, le bonheur, l'espérance, mais aussi avec le terrible accompagnement du voyage. Les chemins de fer, les paquebots, les hôtels, les guides, les voiturins, les mendiants, les moines, les palais, les églises. Il faut avoir aimé pour comprendre quel vertige peut entraîner la misère. Cependant, Pour que ce voyage se fît, il n'y avait qu'un mot à dire. Marguerite était riche. Mais ce mot, il ne le disait pas. Les questions d'argent ne sont rien pour ceux qui ont été élevés et qui ont vécu dans l'aisance. Pour le pauvre, elles deviennent une honte. La susceptibilité est d'autant plus grande que la misère est elle-même plus profonde. On ne reçoit sans rougir que lorsqu'on est certain de pouvoir rendre un jour. Aussi, tout en se désespérant, Maurice se taisait, et pour tous deux le temps s'écoulait péniblement. Chacun avait son secret, et ce secret, toujours à la veille de s'échapper, ne laissait à aucun des deux ni abandon ni liberté. Les plus mauvais moments de Montmorency étaient revenus, et ils s'étaient aggravés non seulement des anciennes souffrances, mais encore du sombre aspect avec lequel se présentait l'avenir. Enfin, ce fut Marguerite qui prit les devants. Un jour que, par une chaleur accablante, il marchait tristement au milieu du désert d'Arbonne, morne, silencieux, enfonçant dans le sable qui manquait sous le pied, aveuglé par l'éblouissante réverbération des grès en poussière, étouffé par l'air embrasé, ils furent croisés par un élégant équipage. Mollement renversé en arrière, une femme jeune, belle, à demi cachée dans les bouffonnements d'une fraîche toilette d'été, s'appuyait contre l'épaule d'un homme jeune aussi. Sur ses genoux, elle avait des Véroniques, des roses sauvages, des campanules, et les deux amants, ils ne pouvaient être que des amants, les deux amants en tressaient une couronne pour de jolis cheveux blonds qui flottaient au vent, et quand leurs mains se rencontraient, elles s'étreignaient. Entraînée par deux chevaux ruisselants de sueur, la voiture disparut rapidement. « Eh bien ?» dit Marguerite en s'arrêtant. « Eh bien ?» fit Maurice qui ne comprenait point cette interrogation. « Eh bien, cher enfant ?» Voilà des gens qui sont plus heureux que nous. Ils ne s'aiment pas plus que nous nous aimons. Non, mais ils s'aiment en voiture et c'est moins fatigant. Ils s'aiment en toilette et c'est plus gracieux. Des plaintes. Crois-tu qu'elles ne sont pas justes? Et veux-tu que je me taise quand, brûlé par le soleil, aveuglé par le sable, je vois deux amants se promener doucement, sans ennui et sans fatigue? La belle figure que j'aurais faite avec ma blouse déchirée, si par hasard ces gens-là m'avaient connue? Quand tu aurais été en voiture, la rencontre, il me semble, n'eût point été pour cela moins fâcheuse. Elle n'eût point été ridicule. Ridicule, ridicule, car il est ridicule à une femme comme moi de courir les bois en costume de carnaval. Tu ne trouvais point cela ridicule à Montmorency, peut-être, mais maintenant je trouve que c'en est assez comme ça de pastoral et de poésie, et que si la liberté a ses plaisirs, elle a aussi ses gênes et ses ennuis. Voyons. « Viens t'asseoir là et causons un peu raison, si cela est possible. » Sans rien dire, sans lever les yeux, Maurice s'assit. À la tournure que prenait l'entretien, il croyait bien prévoir ce qu'il allait être. Marguerite reprit. « Tu conviendras, n'est-ce pas, que cette vie d'artiste et de bohème nous a donné tout ce que nous pouvions en attendre. Et tu conviendras aussi qu'à ceux qui se promènent en voiture, le ciel n'est pas moins bleu, et que l'amour au milieu du luxe a bien ses douceurs. Eh bien, je voudrais que nous nous missions à les goûter enfin, ces douceurs. Jusqu'à ce moment, je t'ai laissé le soin de choisir et de préparer notre bonheur. Ne te fâche pas si à mon tour je demande ma part de cette direction. Que veux-tu donc ? Interrompit Maurice. Et qu'ai-je négligé ? Rien, cher enfant. Mais si j'étais heureuse par toi, je te supplie d'être heureux par moi. À chacun sa tâche. Tu as eu la première, je veux la seconde. Certes, je n'aurai jamais assez de paroles de reconnaissance pour les félicités que tu m'as données. Montmorency laissera dans mon cœur des souvenirs qui seront éternels. Mais les temps ne sont point encore venus où nous ne devons vivre exclusivement que de souvenirs. Il est d'autres pays, d'autres plaisirs que ceux que nous avons connus. Tu veux partir? Je veux quitter ce pays et cette vie. Je veux faire pour toi ce que tu as fait pour moi. Par amour, tu m'as sacrifié Rome, tes études et ton avenir d'artiste. Je veux te rendre tout cela. Je veux aller à Rome. Tu n'y seras pas envoyé par des juges qui t'auront choisi parmi tes rivaux, tu y seras près d'une femme qui t'aime, qui t'a choisi parmi ce que Paris offre de plus illustre, et dont les caresses vaudront bien, peut-être, le triste séjour de la Villa Médicis. Pour répondre à ces paroles qui traduisaient si bien ses secrets désirs, pour répondre à cette habileté, à cette délicatesse, Maurice, qui s'attendait à des plaintes et à des reproches, ne trouva que des baisers. Son orgueil se tut. Ce fut son cœur qui dit sa reconnaissance. Ils partirent et, sans s'arrêter à Milan, ils gagnèrent Venise. Ce fut un changement de bonheur, mais s'il changea, ce fut sans s'interrompre, car si le temps et la guerre ont enlevé à Venise doges, artistes, noblesse, sénat, marine de commerce et de conquête, malgré tout, elle a conservé sa joyeuse hospitalité, ses danses, ses canaux, ses gondoles, ses palais, son ciel splendide, son Adriatique, qui fut si longtemps son épouse soumise, et s'en est assez pour que de tous les points du monde y viennent toujours ceux qui veulent aimer et vivre. Maurice, cependant, aurait préféré au luxe, à la foule et au palais de marbre, les bois de Montmorency, où seul, avec sa maîtresse et son amour, il aurait eu Marguerite tout entière. Mais puisqu'elle aimait cette foule et ses palais, il les aima aussi. Puisqu'elle était heureuse, il fut heureux. Et vraiment, elle était heureuse. Et même, un mois après son arrivée à Venise, elle n'avait encore éprouvé ni fatigue ni déception. Il est vrai que toutes leurs paroles n'étaient plus comme autrefois des paroles d'amour ou sur l'amour. Mais quand, le soir venu, il se faisait conduire en pleine mer, quand la nuit était resplendissante d'étoiles, quand l'Adriatique n'avait pas une vague, pas un pli, quand la brise insensible apportait les parfums de la terre, elle s'asseyait sur les genoux de Maurice, lui passait les bras autour du cou, se haussait jusqu'à ses lèvres, et le corps renversé en arrière, les yeux au ciel, les sens ravis, l'esprit en extase, elle ne se demandait pas si c'était amour, érotisme ou poésie, elle était heureuse. Au reste, s'ils parlaient moins souvent d'eux-mêmes, il n'y avait toutefois entre eux jamais de ces silences involontaires où, soit par fatigue, soit par embarras de trouver quoi dire, chacun suit sa propre pensée et ramène tout à soi. Leurs deux esprits, sinon leurs deux cœurs, étaient toujours à l'unisson. L'art, la poésie ou la nature étaient le lien qui les maintenait en contact. Ils parlaient du Titien, du Giorgione, du Tintoret, de Véronèse, des Foscari, de Dandolo, de Byron, d'Othello, de Desdemone, et le bruit de ces grands noms retentissait en eux assez profondément pour empêcher Maurice d'entendre les plaintes de son amour et pour cacher à Marguerite le vide de son propre cœur. Ces conversations, toutes de cerveau, avaient d'abord été assez rares, puis elles étaient insensiblement devenues plus fréquentes. Padoue, Florence, la Galerie Pitti, Santa Maria del Fiore, le Palais Riccardi, le Baptistère, les rendirent presque continuelles. Quand les deux amants arrivèrent à Rome, ils étaient dans les meilleures conditions morales pour visiter ces chefs-d'œuvre et pour en parler convenablement. Rome était le but du voyage. C'était à Rome que l'on devait habiter. Marguerite n'y était venue que pour permettre à Maurice de travailler. Mais Maurice ne travailla point. Les premières semaines furent prises par l'installation dans une villa près d'Albano. Maurice était indispensable. Il fallait ses avis, ses idées, son goût. Puis, on visita les palais, les musées, les églises. Naturellement, Maurice fit les honneurs de toutes ces promenades, et on en eut pour longtemps. Puis, quand Marguerite fut lasse de tableaux, de statues, de colonnes, de ruines, et qu'elle voulut se reposer dans ces douces oisivetés que favorisaient bien le climat et les mœurs de l'Italie, il se reposa près d'elle, lisant ou parlant lorsqu'elle désirait des distractions, chantant ou se mettant au piano lorsqu'elle désirait de la musique, lui souriant lorsqu'elle souriait, l'accompagnant lorsqu'elle sortait et lorsqu'elle voulait dormir, la contemplant tendrement ou s'endormant près d'elle. Les jours suivaient les jours, les semaines s'ajoutaient aux semaines, et il ne trouvait pas une heure pour l'étude. Tantôt Marguerite était joyeuse, et le temps s'écoulait rapidement sans qu'on s'en aperçût. On se promenait, on riait, on s'embrassait. On jouait comme des enfants, on se disait de bonnes et douces paroles, on rappelait le passé, on interrogeait l'avenir, et tout à son amour, Maurice ne pensait qu'à l'amour, méprisait le travail et la gloire, et les trouvait bien peu dignes de lui faire perdre une minute d'un bonheur tel que le sien. Tantôt, au contraire, elle était triste. Des reproches, des mots de regret ou d'injures avaient été mutuellement lancés. Dans les mémoires de tous deux, la colère grondait longtemps, et Maurice, la tête en feu, les larmes aux joues, le cœur brisé, s'abandonnait à sa douleur, tournait et retournait de sa propre main le couteau dans sa chair, se redisait à lui-même les mots irréparables qui lui avaient échappé, se rappelait une à une les circonstances de la querelle, croyait tout à jamais perdu, pleurait son bonheur anéanti et se sentait à cette pensée si abattue et si épouvantée qu'il ne songeait plus qu'à rentrer en grâce et n'en cherchait plus que les moyens et les occasions. Comment travailler au milieu de ces alternatives de joie et de chagrin, d'énervantes ardeurs ou de fatigue plus énervante encore, si par hasard, dans un moment de trêve, il s'enfermait courageusement, c'était tout. Il ne pouvait aller plus loin. Sa volonté ne lui répondait pas. il ne pouvait s'absorber en lui-même, et si les idées se pressaient, nombreuses et éblouissantes dans sa tête, quand il était pour les saisir, elles devenaient ternes et rares, car depuis longtemps, la concentration de la vitalité ne se faisait plus au profit du cerveau, et s'il sentait, s'il concevait, s'il imaginait encore, il avait perdu la douloureuse habitude de l'exécution, toujours si lente, si laborieuse, et qui exige tant de patience et tant d'énergie. Alors il se voulait contraindre, il cherchait, mais, d'effort en effort, il en arrivait promptement à toucher, à gratter en quelque sorte le tuf de son cerveau, à se donner le sentiment désespérant et désespéré de son impuissance. La rêverie, cette consolatrice menteuse des artistes stériles, s'emparait de lui, l'absorbait, et des hauteurs de son art où il s'était un instant élevé et où il n'avait pu se maintenir, il redescendait mollement à Marguerite, et malgré lui, à cette seule pensée, il avait des espérances qui l'enivraient, des souvenirs qui lui donnaient de longs frémissements. C'était en vain qu'il se roidissait pour y échapper, il revenait sans cesse, et trop faible pour lutter et vaincre, il courait près d'elle, lui demandait des consolations et des inspirations. Mais Marguerite ne savait ni consoler ni inspirer, et il ne trouvait près d'elle que l'oubli ou la distraction. Encore était-elle mortelle, ces distractions, car elle ramenait tout si bien à soi, elle dirigeait tout si bien pour elle seule, que de jour en jour, elle le laissait et plus anéanti et plus épuisé. Peu à peu, il le sentit vaguement, et il commença de comprendre qu'il lui aurait fallu le calme continu, les libertés de la solitude, les excitations de l'ennui, les économies du silence. Mais il comprit aussi qu'on ne peut être à la fois amant et poète, que l'art, comme la religion, a ses rigoureuses exigences, qu'il lui faut la chasteté et le détachement des choses de ce monde, et à l'art et à la gloire, il préféra son amour. Mais ce ne fut pas sans souffrir, et les comparaisons que chaque jour il put faire, en rencontrant ses anciens camarades de Paris, aujourd'hui à Rome, entretenus par l'État, tandis que lui-même l'était par une femme, avivèrent ses souffrances et les rendirent plus incessantes et plus cruelles. Eux, ils pouvaient travailler, ils étaient joyeux. Ils avaient de faciles amours avec les belles madones du Transtévère. Ils étaient pleins de confiance dans l'avenir, et pour le présent, la France leur avait donné un titre qui les rendait fiers et tranquilles, tandis que lui, à la suite d'une maîtresse, amoindri dans sa propre estime, humilié dans son orgueil, morose, tourmenté, plein de doutes, ayant tout sacrifié à l'amour, il se voyait trahi par l'amour. En même temps qu'il s'était interrogé lui-même, Marguerite, de son côté, plus calme et plus expérimentée, avait aussi commencé de juger froidement la situation qu'il s'était faite, et chacune de ses questions avait été une accusation contre l'amour. Depuis son arrivée en Italie, elle avait marché de déception en déception, et si son enthousiasme poétique avait pu l'étourdir quelque temps, si les ruines de la ville des empereurs, si les richesses de la ville des papes, si le Vatican, Saint-Pierre, le Colisée sous les rayons de la lune avaient impressionné son esprit, son imagination ou ses souvenirs, elle n'avait, en face de ses créations de l'art, éprouvé aucune des sensations qu'il avait enivrées dans les bois de Montmorency. Sans comprendre qu'à cet heureux instant qui avait traversé sa vie comme un éblouissant éclair, elle avait été entraînée par un sentiment inconnu qui l'avait faite jeune, qui, malgré sa coquetterie, son éducation, ses préjugés, malgré sa corruption d'esprit, malgré son âge, lui avait donné 15 ans, l'avait vaincue par une irrésistible puissance, et l'arrachant aux habitudes du monde, avait remplacé dans son âme le savoir et la triste expérience de la femme par la candeur et l'ingénuité de la jeune fille. Sans s'avouer à elle-même qu'elle avait été saisie par cet amour naïf, qui tôt ou tard nous dompte tous, honnêtes ou vicieux, pour nous rendre à l'exaltation, au dévouement, à la poésie, à la jeunesse, sans songer seulement à regarder en soi, sans interroger son cœur, sans rien demander aux choses, aux faits ou au temps, elle accusait Maurice et elle accusait l'amour. Elle se disait que la passion était bien mesquine, bien étroite, que ses joies étaient bien courtes, ses bonheurs bien limités, qu'elle n'était pas ce que les poètes la faisaient, mais plutôt illusion et mensonge, et que si pour un jour elle pouvait nous enlever à des hauteurs infinies, elle nous laissait retomber bientôt, d'autant plus malheureux et plus découragés, qu'elle nous avait montré des splendeurs auxquelles on ne pouvait atteindre, et que nous ne pourrions même jamais revoir. et c'était des désolations, des regrets, des chagrins, qui la tourmentaient chaque jour davantage. Elle ne se rendit pas d'abord un compte bien clair de toutes ces idées qui sommeillèrent longtemps dans son esprit, mais peu à peu, elle en eut conscience, petit à petit, elles s'éveillèrent. Les réflexions s'ajoutèrent aux réflexions. La logique des faits se révéla avec une évidence implacable, et trop faible, ou trop orgueilleuse, Marguerite s'arrêta aux effets sans pénétrer les causes. La vie commune, empêchant de juger à distance et obscurcissant le bien pour ne laisser voir que le mal, elle en vint à comprendre la possibilité d'une rupture, puis bientôt à la regarder comme un bonheur. Les mille précautions qu'il lui fallait prendre sans cesse lui faisaient désirer la liberté. Elle songeait à Paris, au monde qu'elle avait abandonné, au plaisir qu'elle avait sacrifié. Et si ces sacrifices avaient pu lui paraître légers au commencement d'une liaison qui promettait toutes les joies, maintenant que cette liaison n'avait plus à offrir que des chagrins et des luttes, il lui paraissait bien grand et bien dur. Sans doute, Maurice était un charmant esprit, un excellent cœur, elle avait pour lui la plus vive affection, elle l'aimait sincèrement, mais enfin, les plus belles choses ont leur terme, il est des exigences plus fortes que notre volonté, et elle ne pouvait pas se sacrifier toujours. Cependant, à la pensée d'abandonner celui qu'elle avait tant aimé et qui, lui, l'aimait encore avec une tendresse absolue, elle avait des frémissements qui gonflaient son cœur. Loin de lui, elle s'affermissait dans son projet. Quand il la regardait avec ses yeux suppliants, quand il la prenait dans ses bras et se couchait sur son sein en lui disant de joyeuses paroles d'avenir, elle était prise d'une tendre pitié. Elle se sentait faible, irrésolue, et si elle ne l'aimait plus avec passion, elle l'aimait encore avec compassion. Mais cette compassion diminuait à mesure que les difficultés de situation devenaient plus fréquentes, et chaque soir, elle s'affermissait davantage dans la pensée d'en finir, non pas brusquement, mais d'après son procédé habituel en toutes choses, adroitement et progressivement. Bien des fois déjà, en des jours de tristesse et de lassitude, ils avaient tous deux parlé d'abandonner Rome. Elle proposa de continuer le voyage et d'aller à Naples. Après quelques semaines de séjour à Naples, comme il n'aurait plus rien à visiter en Italie, elle trouverait un moyen tout naturel pour revenir en France. Et dès qu'elle serait à Paris, le monde et ses exigences lui seraient de solides prétextes pour rompre la vie commune, écarter insensiblement Maurice et recouvrer enfin l'indépendance. Mais à Naples, il arriva précisément le contraire de ce qu'elle avait projeté, et elle dut reconnaître qu'elle n'était pas encore, comme elle l'avait cru, détachée de Maurice et de sa passion. À Montmorency, elle avait aimé l'amour. À Fontainebleau, elle avait aimé la nature. À Naples, ce fut un regain, mais un regain plus riche que ne l'avait été la première moisson. Sous ce climat, ses sens et son esprit s'exaltèrent. La fougue de ses désirs, qu'elle croyait bien apaisés, se réveilla plus tyrannique. À la veille d'une séparation, son cœur fut touché de regret et de pitié, et ces deux influences la poussant, elle se retrouva aux bras de Maurice plus étroitement que jamais. Elle voulut jouir, sans perdre une minute, de ses derniers jours de bonheur, et comme elle savait que si les excès conduisent sûrement à la lassitude et au dégoût, elle savait aussi qu'alors on a décidé à une rupture. Ils aident à faire passer les derniers moments et empêchent de la regretter. Elle ne chercha point à résister, et elle s'abandonna pleinement à ses nouvelles aspirations, à ses nouvelles espérances. Ce qui s'était déjà produit chaque fois qu'un changement s'était fait dans sa vie se reproduisit encore. Elle redevint ce qu'elle avait été à son arrivée à Montmorency, à Fontainebleau, mais avec cette différence cependant, que ces mêmes choses qui avaient excité son enthousiasme, l'éloquence de deux regards confondus, le bruit des feuilles sous les arbres, le soleil sur la rosée, ne la touchaient plus aussi vivement. Maintenant, lorsqu'on se promenait sur la plage du Posilip par une de ces belles nuits du midi, on ne se laissait plus émouvoir seulement par la poésie de la mer. En marchant au milieu de ces ruines, on se demandait curieusement quels avaient dû être les plaisirs et les amours de ceux qui se montraient si grands encore dans le plus mince de ces débris. Au tombeau de Virgile, Maurice oubliait Didon et parlait de Catulle et de Martial. À Capré, on laissait le soleil se lever derrière les oliviers du mont Solaro. Quand, naguère, pour le voir sur les plaines de l'île de France, on avait fait tant de courses matinales. Et se tournant vers les ruines du temple de Tibère, on pensait aux nuits de Cartilla, aux fêtes de Trimalcion. Quelquefois, et pendant des journées entières, ils s'enfermaient dans leur villa de Sorrente, sans se laisser séduire ni par l'ombrage des orangers, ni par l'humide verdure des ravins qui descendent à la mer, et nattes et tapis étendus sur le carreau, au milieu d'une atmosphère chargée de parfums, sans cesse rafraîchis par de nombreux bouquets roses qui versaient le froid par leurs pores, ils restaient dans les bras l'un de l'autre. Marguerite, oubliant ses idées de séparation, jouissait de leur présence sans vouloir songer à l'avenir. Et c'était des rages de caresses, de longues extases. Ils s'encourageaient, ils s'applaudissaient, ils se juraient un amour absolu, une éternelle reconnaissance, une inaltérable fidélité. Jamais bonheur n'avait été aussi grand. Ils étaient les plus heureux du monde. Ils se le disaient, ils le croyaient. Et pour quelques heures, ils l'étaient en effet, mais à la condition de se concentrer en eux-mêmes, car s'ils venaient à retrouver leur raison dans un peu de repos, si après une de ces crises, ils venaient à sortir, alors que sous les premiers rayons du soleil, la terre encore fumante se montre splendide de jeunesse et de limpidité, alors que l'air souffle pur et rafraîchissant, alors que de toute la nature s'élève le concert de joie et de vie, en face de cette ineffable poésie du matin, ils se sentaient bien là et bien tristes. Plusieurs semaines se passèrent, puis, quand Maurice, toujours aux aguets, crut remarquer en Marguerite quelques symptômes de fatigue, ne voulant pas les laisser se développer et amener des malaises et des luttes qu'il connaissait trop bien, il proposa lui-même d'abandonner l'Italie et de revenir en France. Il ne lui était plus possible de se faire illusion, et il n'avait plus d'espérance que dans les ressources infinies de Paris. Ce n'était plus la poésie, les voyages, les distractions qu'il devait appeler à son secours, mais tout le savoir, toutes les expériences, tous les raffinements de l'extrême civilisation. Sans doute il savait qu'il viendrait un jour où, n'étant plus rien qu'il n'eût épuisé, Paris lui-même serait impuissant, mais tout en ne pensant qu'avec effroi à ce dénouement, tout en ayant la douloureuse conviction qu'il était inévitable, comme le naufragé en face de la mort, il voulait au moins lutter jusqu'au bout, et tant qu'il lui resterait un souffle de force, lui disputer les défaites une à une et le retarder pas à pas. Marguerite accueillit avec empressement la proposition de retour, et aussitôt elle s'attacha à préparer Maurice aux nouvelles dispositions qu'elle entendait prendre dès qu'il serait arrivé à Paris. Les heures de la traversée servirent à souhait ses desseins, en lui donnant le temps de l'accoutumer, par de savantes gradations, à la pensée qu'il faudrait renoncer à la vie commune. Elle lui expliqua qu'elle se devait à elle-même et au monde de reparaître chez elle avec ses habitudes et ses obligations d'autrefois, que son absence n'avait dû être déjà que trop remarquée, et qu'elle aurait besoin de toute son habileté et même de l'appui de sa mère pour l'expliquer d'une façon satisfaisante, que, malgré ce qu'elle pourrait faire, les soupçons devaient être trop éveillés pour leur permettre à tous deux la plus petite imprudence, que c'en serait une fort grande à lui, Maurice, de se montrer dans les soirées qu'elle serait forcée de reprendre, qu'un mot, un regard, pouvait les perdre, que, s'aimant comme ils s'aimaient, ils ne pourraient pas être maîtres de cacher leur amour, et que c'était au nom même de cet amour, pour en assurer l'éternelle durée, qu'ils devaient savoir supporter des privations. Elle lui jura qu'elle ne serait pas la moins à plaindre, qu'elle penserait toujours à lui, qu'elle serait toujours près de lui de cœur et de souvenirs, que le temps consacré à ses devoirs de société serait un enfer, qu'elle abrégerait autant que possible, et que toutes les fois qu'elle en verrait le moyen, elle se hâterait de revenir dans ses bras pour lui payer en tendresse et en caresses longuement amassées les chagrins du sacrifice et de l'absence. Il souffrit, pleura, résista à chacune de ses exigences, mais il en fut encore ce qu'il en avait toujours été, il se résigna à la rage dans le cœur. Ce qu'elle voulut lui faire comprendre, il le comprit ou il l'accepta. Moins que jamais, il savait lui résister, et si, lorsqu'il était loin d'elle, il raisonnait, il s'emportait, il la maudissait, près d'elle, il était sous le charme. À sa vue, au son de sa voix, il perdait sa volonté et sa personnalité. L'émotion trop vive l'empêchait de répondre. Il devenait elle-même, triste si elle était triste, riante si elle était riante. La puissance qu'elle exerçait sur lui était celle que donne le magnétisme. Elle l'attirait, le repoussait, l'exaltait, lui faisait toucher ce qui n'existait pas, trouver chose ce qui était glacé, charmant ce qui était horrible, éblouissant ce qui était sombre. Pourvu qu'il la vît, pourvu qu'il l'entendît, il obéissait, il ne se révoltait pas, ne pensait qu'à elle seule, ne cherchait qu'à lui plaire. Pour qu'elle daignât rire, il riait le premier des blessures qu'il se portait à lui-même. Entre ses mains, il était devenu une chose souple et molle, un jouet, un écho, un miroir.